À l'occasion du 64e anniversaire de la victoire dans la guerre de libération de la patrie, le dirigeant suprême Kim Jong-un a visité le 27 juillet le cimetière des martyrs qui ont participé à la guerre de libération de la patrie pour exprimer de l'hommage aux martyrs de l'armée populaire de Corée. Il a été accompagné des commandants de l'armée populaire de Corée comme Fang Byung-soo, Lee Myung-soo et Park Yong-si, ainsi que des commandants interarmées et de corps d'armée. La couronne mortuaire au nom de Kim Jong-un est déposée devant le cimetière. En compagnie des autres visiteurs, le dirigeant suprême a observé un moment de silence à la mémoire des martyrs de l'armée populaire de Corée avant de faire le tour du cimetière. Il s'est exprimé convaincu que tous les militaires de l'armée populaire de Corée, les militants du parti et autres travailleurs et les générations montantes feront du noble esprit de défense de la patrie et de l'héroïsme collectif manifesté par les soldats héroïques des années 1950 leurs richesses idéologico-spirituelles les plus précieuses dans la lutte pour la prospérité du pays et la victoire de l'œuvre révolutionnaire Tsu Tse et qu'ils les continueront de génération en génération.